vice-versa. Hein. Bonsoir, Paris. Ah non, non, non, non. Ça commence mal, ce concert. Oh! Thank you. close to the door. Regardez tout ce que vous avez, deux voitures par ménage et tout. Vous avez tout que vous. Vous savez, elle a été plus souvent à droite qu'à gauche, la France, parce que tous les rois, ils n'étaient pas à gauche. Hein? Louis XIV, avec tous ces châteaux qu'il a fait faire et tout. Tous ceux qui prenaient les sous. Hein? Vous savez? Eh oui, l'histoire se répète. Elle contient à bien là. Avec tous ces avantages-là, mais ils sont en train de tout vous y démontrer. Thank you. Combien vous voulez ce moulin là que je vois? Je vais vous dire il n'est pas trop cher au moins. Non, mais non. Ça vaut pas. Il n'est pas trop cher au moins. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Le premier et dernier concert. Oui. Someone told me it was the last concert. The last in Switzerland. Then destroy everything. No. The last concert, you have to destroy all the equipment. Now we go. Merci. American humor is good.